Amis humains, bonjour, voici la deuxième partie de la nouvelle série d'articles, sur le thème, et si les robots étaient pourvus de libre arbitre, peut-on fabriquer des robots bienveillants? Un choix cornélien pour le robot quand il détectait que le bot proxy se déplaçait vers le trou, le robot se précipitait pour changer sa trajectoire et le mettre hors de danger. Dans un deuxième temps, le robot a été mis en présence de deux bots à sauver, ceux-ci se dirigeant simultanément vers le trou. Lequel de ces deux bots sauver en premier? Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Voilà le dilemme auquel était confronté le robot. L'équipe a constaté au cours d'une expérience, que 14 fois sur 33, le robot était tellement désemparé, qu'au lieu d'en sauver au moins un sur les deux, il échouait, et les deux finissaient leur course dans le trou. Lorsqu'il se décidait à en choisir qu'un, il laissait l'autre tomber. Parfois, il parvenait à dévier les deux de leur trajectoire mortelle en faire tomber aucun. Winfield décrit alors le robot comme un zombie éthique, qui n'a d'autre choix que de se comporter comme il le peut. Même s'il a été programmé pour sauver les autres bots selon un code de conduite bien précis, il ne parvient pas à comprendre le raisonnement qu'il y a derrière ses actions. Winfield admet qu'avant l'expérience, il pensait les machines incapables de faire des choix en accord avec une éthique. Aujourd'hui, sa réponse est moins franche, il n'en a aucune idée. Si les robots peuvent avoir la faculté de libre arbitre, cela pourrait changer la façon dont nous les percevons. Comme ils sont amenés à évoluer au sein de notre société, cette question n'est pas anodine. Une voiture autonome, par exemple, peut se retrouver dans une situation où elle aura à faire le choix entre sauver la vie de ses passagers ou celle du piéton qui traverse imprudemment. Programmer la réaction à avoir dans ce genre de circonstances avec des règles de conduite sera extrêmement complexe. Fin de la deuxième partie, amis humains, à bientôt.